Chapitre 10e. Je me pourvus d'un nouveau logement. Par je ne sais quelle fantaisie de l'imagination qui aime à se créer des sujets d'alarme, je me sentis porté à croire en définitive que la frayeur qu'avait eue Madame Marnay n'était pas sans fondement. Avec cela, j'étais absolument hors d'état de faire la moindre conjecture sur la manière dont ce nouveau péril avait pu m'approcher. Et dès lors, je ne pouvais recourir qu'à un remède bien peu consolant, celui de me tenir sur mes gardes avec plus de soin que jamais dans mes moindres actions. Une double inquiétude pesait à la fois sur mon esprit, celle de ma sûreté et celle de ma subsistance. Il me restait bien encore quelque chose du produit de mon industrie, mais ce n'était presque rien, parce que mon correspondant était en arrière avec moi et je n'avais pas de moyen de lui faire demander mon paiement. Malgré tous mes efforts, les anxiétés qui me tourmentaient prirent sur ma santé. Je n'avais pas un seul instant où je pusse me croire à l'abri du danger. J'étais devenu comme un spectre. Le moindre son inattendu me faisait tressaillir. Il y avait des moments où j'étais presque tenté de me rendre entre les mains de la justice et de braver toute sa rigueur. Mais bientôt le ressentiment et l'indignation rentraient dans mon âme et ranimaient ma persévérance. Quant aux moyens de pourvoir à ma subsistance, je ne voyais pas de meilleure ressource que celle dont je venais de me servir, qui était de chercher quelque tierce personne par l'entremise de laquelle je pusse disposer de mon travail. Il n'était pas impossible de rencontrer quelqu'un qui consentît à me rendre ce service, mais où trouver l'âme active et bienfaisante de Madame Marnay? La personne sur laquelle je jetais les yeux était un monsieur Sperrel, qui travaillait en chambre pour les horlogers, et qui avait un logement au second étage de notre maison. Je l'examinai deux ou trois fois en passant près de lui sur l'escalier, et mes regards irrésolus annonçaient assez le désir et l'embarras de l'aborder. Il s'en aperçut et finit par m'engager très poliment à entrer chez lui. Quand nous fûmes assis, il me témoigna combien il était fâché de ce que je paraissais être en mauvaise santé et de ce que je menais un genre de vie si solitaire, me demandant s'il serait assez heureux pour pouvoir m'être bon à quelque chose, et ajoutant que du premier moment qu'il m'avait vu, il avait conçu de l'affection pour moi. Dans le nouveau travestissement que j'avais pris, j'étais contrefait et mal bâti, et rien n'était moins attrayant que ma personne. Mais à ce qu'il paraissait, M. Sperrel avait perdu un fils unique, il y avait environ 6 mois, et j'étais le vrai portrait de cet enfant. Si j'eusse mis de côté toutes mes difformités d'emprunt, j'aurais perdu vraisemblablement tous mes droits à son attachement. Il était, m'observait-il, un malheureux vieillard sur le bord de sa fosse, et ce cher fils était toute sa consolation. Le pauvre garçon avait toujours été souffrant toute sa vie, mais il lui avait servi de garde-malade, et plus cet enfant lui avait coûté de soins et de peines quand il était au monde, plus il lui faisait faute aujourd'hui qu'il n'était plus. Il ne lui restait plus à présent un seul ami, et il n'avait personne sur la terre qui s'intéressât à lui. Si cela me faisait plaisir, je pourrais lui tenir lieu de son pauvre fils, et il aurait en tout pour moi les mêmes soins et les mêmes attentions. Je lui exprimai combien j'étais sensible à des offres si pleines de bonté, mais j'ajoutai que je serais désespéré de lui être à charge le moins du monde, que ma façon de penser me faisait adopter pour le moment une vie très retirée et très solitaire, et que ma plus grande difficulté était de concilier ce genre de vivre avec un moyen quelconque de gagner de quoi me procurer le nécessaire, que s'il avait la complaisance de m'aider de ses bons offices pour aplanir cette difficulté, c'était le plus grand service qu'il put me rendre. Je lui dis que j'avais toujours eu un goût et une aptitude particulière pour les travaux mécaniques, et que je ne doutais pas de me tirer bientôt d'affaire dans quelque genre d'industrie que ce fût dès que je m'y appliquerais sérieusement, que je n'avais point appris de métier, mais que s'il voulait me faire la grâce de me diriger et m'instruire, je travaillerais volontiers avec lui tant qu'il lui conviendrait, pour ma nourriture seulement, que je savais fort bien que je lui demandais là une faveur extraordinaire, mais que j'étais entraîné d'une part par la force invincible de la nécessité et encouragé de l'autre par la confiance que m'inspiraient les offres si obligeantes et si amicales qu'il m'avait faites. Le vieillard, après avoir laissé couler quelques larmes sur le tableau que je lui faisais de ma situation, consentit volontiers à tout ce que je lui proposais. Notre accord fut bientôt fait, et en conséquence j'entrai en fonction. Mon nouvel ami était un homme d'une singulière tournure d'esprit. Ce qui le caractérisait principalement, C'était un grand amour pour l'argent et des manières excessivement officieuses et charitables. Il vivait avec la plus grande parcimonie et se refusait tout. À peine fus-je initié dans le métier que mon travail était déjà de nature à valoir quelques récompenses. Il en convint franchement lui-même et il insista pour que je fusse payé. Cependant, il n'agit pas à cet égard comme auraient pu faire quelques personnes dans les circonstances où je me trouvais, et il ne me remit pas la totalité de ce que je gagnais. Mais il ne me cacha point qu'il me faisait sur mon gain une retenue de 20%, comme une juste indemnité de la peine qu'il avait prise pour m'instruire et comme un droit de commission pour m'avoir procuré le débit de mon travail. Avec cela, j'étais souvent l'objet de ses larmes. Il était dans la douleur toutes les fois qu'il fallait nous séparer, et il me prodiguait à tout moment des signes de la plus tendre affection. Je trouvais en lui beaucoup d'habileté et d'invention dans son métier, et les instructions qu'il me donna me causèrent un extrême plaisir. De mon côté, comme je possédais une plus grande variété de connaissances dont je cherchais à tirer parti, il ne tarissait pas sur le plaisir et l'étonnement qu'il éprouvait à découvrir en moi autant de ressources, soit pour le travail, soit pour mon simple amusement. Il n'y avait pas longtemps que j'étais dans ce nouveau poste, lorsqu'il se présenta un événement qui me jeta dans des alarmes plus vives et plus sérieuses que jamais. J'étais un soir à me promener dans la rue pour prendre un moment l'air et un peu d'exercice, ce que je ne me permettais alors que très rarement. Tout à coup, j'eus l'oreille frappée de deux ou trois sons au hasard qui partaient de la bouche d'un colporteur qui criait sa marchandise. Je m'arrêtai pour mieux entendre. Quelle fut ma surprise et ma confusion quand j'ouïs à peu près ses propres paroles. Voici l'histoire merveilleuse et surprenante et les aventures sans pareil du fameux Caleb Williams. Vous y voyez comme il a d'abord volé son maître et ensuite porté une fausse accusation contre lui. Comment aussi les efforts qu'il a faits à diverses fois pour briser sa prison jusqu'à son évasion finale qu'il a effectuée de la manière la plus merveilleuse et la plus incroyable. Comme aussi ses voyages dans les différentes parties du royaume sous toutes sortes de déguisements et les vols qu'il a commis avec une bande des plus hardis et des plus déterminés voleurs, enfin son arrivée dans la ville de Londres, où on croit qu'il est maintenant caché, avec une fidèle et véritable copie de la proclamation faite de sa personne et de son signalement, imprimée et publiée par un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté, contenant l'offre d'une récompense de 100 guinées pour le prendre, le tout pour le prix d'un sou. Atterré comme je l'étais par ces épouvantables sons, croira-t-on que j'eus pourtant la témérité de m'approcher du colporteur et d'acheter un de ses papiers, résolu, par une sorte d'instigation désespérée, de voir jusqu'au bout ce dont il était question, et d'en savoir autant que j'en pourrais apprendre. J'emportai mon papier avec moi, en continuant toujours de faire quelques pas, jusqu'à ce que, ne pouvant plus résister à mon impatience, je me mis à en déchiffrer presque tout le contenu à la lueur d'une lampe suspendue dans un petit passage. Je trouvais qu'il renfermait un bien plus grand nombre de circonstances qu'on aurait pu l'attendre d'un écrit de cette espèce. On m'égalait au plus fameux voleur dans l'art de pénétrer à travers les murs et les portes les mieux défendues et aux fourbes les plus habiles pour l'invention, l'astuce et les travestissements. La vie que Larkins avait trouvée et nous avait apporté dans la forêt y était imprimé tout au long. Tous mes déguisements antérieurs à la dernière alerte que m'avait donnée la prévoyante Madame Marnay étaient fidèlement rapportés, et on y avertissait le public de se tenir bien en garde contre un individu d'un extérieur étrange et qui vivait d'une manière écluse et solitaire. Cet écrit m'instruisit aussi que l'on avait fait une recherche dans mon dernier logement, le soir même de mon évasion, et que Madame Marnay avait été envoyée à Newgate comme accusé d'avoir recelé un criminel. Cette dernière circonstance me navra jusqu'au fond du cœur. Mes propres souffrances n'affaiblirent pas en moi le sentiment de la compassion. C'était une idée bien déchirante et bien insupportable, de sentir que l'implacable persécution dont j'étais l'objet ne se bornait pas à ma personne, mais que ma seule approche était contagieuse et entraînait dans ma ruine quiconque prétendait me secourir. Je crois que j'aurais consenti à me livrer à toute la rage de mes ennemis si j'avais pu sauver par là une heure de souffrance à cette excellente femme. J'appris dans la suite que Madame Marnay avait obtenu sa liberté par l'entremise de cette femme de qualité qui était sa parente. L'émotion que me causa l'infortune de Madame Marnay ne fut pourtant qu'un sentiment passager. une considération plus impérieuse et plus irrésistible appelait toute mon attention. Que n'éprouvais-je pas à la lecture de ce papier? Chaque mot me glaçait d'effroi. Il eût peut-être été moins horrible pour moi de tomber entre les mains de la justice. Au moins cet événement qui était l'objet de toutes mes craintes eût mis un terme à cette consomption de terreur et de désespoir qui m'accablait sans relâche. Les déguisements ne pouvaient plus me servir à rien. Une classe immense d'individus dont chaque quartier, dans presque chaque maison de la capitale, se trouvait excité à jeter un œil attentif et soupçonneux sur tout étranger, et spécialement sur tout étranger solitaire qui pouvait se rencontrer dans leur chemin. On faisait briller à leurs yeux un prix de 100 guinées pour enflammer leur cupidité et aiguiser leur pénétration. Ce n'étaient plus seulement les habitués de Bow Street, c'était 1 million d'hommes armés contre moi. Et ce refuge, qui reste encore au plus malheureux, d'avoir quelque individu dans le sein duquel ils déposent leurs alarmes et qui les met à l'abri des yeux indiscrets et curieux, ce refuge m'était interdit. Pourrait-on se faire l'idée d'une situation plus horrible? Mon cœur battait avec une extrême violence. Ma poitrine était resserrée et je ne respirais qu'avec peine. « Il n'y aura donc pas de fin, me disais-je, à la persécution que j'éprouve. Après tant de fatigues et tant de travaux, aucun terme à mes malheurs. Le temps qui guérit tout, ne fait qu'ajouter au désespoir de ma situation. Ah! Pourquoi m'obstiner plus longtemps à cette lutte cruelle? La mort m'offre le moyen d'éluder l'activité de mes persécuteurs. Ensevelissons dans un oubli éternel ma personne et jusqu'aux traces de mon existence, et ne laissons qu'un doute impénétrable à ces barbares qui ne sauraient avoir de paix sans me poursuivre. » Au milieu des horreurs qui m'environnaient, cette idée me donna quelque plaisir, et je me rendis en hâte vers les bords de la Tamise pour la mettre à exécution. L'agitation de mon âme était telle que la faculté de voir était comme suspendue. Je traversai les rues sans voir la route que je suivais. Enfin, après avoir erré je ne sais combien de temps, je me trouvai au pont de Londres. Je courus aux marches et je vis la rivière couverte de bâtiments. « Il faut, me dis-je, qu'aucun être humain ne m'aperçoive au moment où je vais disparaître pour jamais. » Cette pensée exigeait quelque attention. Il s'était déjà écoulé un certain temps depuis le dessein que le désespoir m'avait fait prendre. Le jugement me revint peu à peu. La vue des vaisseaux me fit renaître l'idée de quitter encore une fois mon pays natal. Je pris donc mes informations, et je trouvai que le passage le moins cher que je pouvais me procurer était dans un vaisseau amarré près de la tour et qui devait mettre à la voile sous peu de jours pour Middelbourg en Hollande. J'aurais désiré qu'on me prît à bord dès l'instant même, et j'aurais tâché d'obtenir du capitaine qu'il me permît d'y rester jusqu'au moment du départ. Mais malheureusement, je n'avais pas sur moi assez d'argent pour payer mon passage. C'était pire encore, je n'avais pas dans le monde assez d'argent. Toutefois, j'ai donné au capitaine la moitié de ce qu'il me demanda, et je promis de venir lui apporter le reste. Je ne savais trop comment me le procurer, mais j'espérais bien en venir à bout. J'avais quelque idée de l'emprunter à M. Sporel. Certainement, il ne me refuserait pas un si léger service. Il m'aimait, à ce qu'il semblait, avec une tendresse toute paternelle, et je ne crus pas risquer la moindre chose en me remettant pour un moment dans ses mains. J'approchai de mon logement avec un cœur oppressé et plein de sinistres présages. M. Sporel n'était pas à la maison, et il me fallut attendre son retour. J'avais dans mon coffre de l'ouvrage qui m'avait été remis par lui le matin même pour travailler, et qui valait 6 fois la somme dont j'avais besoin. Je réfléchis un moment si je ne pourrais pas user de ces effets comme s'ils eussent été à moi. Mais je repoussai cette idée avec mépris. Jamais je n'avais mérité le moins du monde le blâme dont on me couvrait. J'étais bien déterminé à ne le mériter jamais. Il était fort extraordinaire que M. Sporel fût dehors à une telle heure. Cela ne lui était pas encore arrivé à ma connaissance. Il avait coutume de se coucher entre 9 et 10. J'entends sonner 10 heures, 11 heures. M. Sporel ne rentre point. Enfin, à minuit, on heurte à la porte. Je reconnais sa manière de frapper. Tout était couché dans la maison. M. Sporel, habitué à rentrer à des heures réglées, n'avait pas de clé pour ouvrir lui-même. L'idée de revoir un compagnon fit luire dans mon cœur un rayon de joie. Je fus bien vite au bas de l'escalier pour lui ouvrir la porte. Je crus apercevoir, à la lueur de la chandelle que j'avais à la main, quelque chose d'extraordinaire dans son air. Avant que j'eusse le temps de lui dire un mot, je vis deux autres hommes qui le suivaient. Au premier coup d'œil, je ne doutais pas quelle espèce de gens c'était. Au second, je reconnus que l'un d'eux n'était autre que Gaines lui-même. J'avais su autrefois qu'il avait été de cette profession, et je ne fus pas très étonné de l'y retrouver. Quoique depuis quelques heures mon esprit se fût, pour ainsi dire, familiarisé avec l'inévitable nécessité de retomber encore une fois entre les mains des officiers de justice, cependant il me fut impossible de les voir entrer sans ressentir intérieurement une secousse qui me remua jusqu'au fond de l'âme. D'ailleurs, je n'étais pas peu surpris de l'heure et des circonstances de cette visite, et j'avais grand désir d'apprendre si M. Sperrel avait pu être assez vil pour se faire leur introducteur. Il ne me laissa pas longtemps dans cette perplexité. À peine vit-il ses deux compagnons tout à fait en dedans de la porte, qu'il s'écria avec un transport presque convulsif « Tenez, tenez, voilà votre homme. Dieu soit béni, Dieu soit béni. » Gaines me regarde aussitôt la figure, avec un air qui exprimait alternativement de l'espérance et du doute. « Sur mon Dieu, dit-il, je ne saurais dire si c'est lui ou non. J'ai, ma foi, peur que nous n'ayons pris un rat. » Ensuite, comment se ravisant, « entrons toujours dans la maison. Nous examinerons un peu mieux. » Nous montons tous aussitôt dans la chambre de M. Sperrel. Je pose ma chandelle sur la table. Jusque-là, j'avais gardé le silence, mais je me sentais bien déterminé à tout tenter pour ne pas me trahir moi-même, et j'étais un peu enhardi d'ailleurs par l'embarras de Gaines. En conséquence, prenant un air calme et résolu, et m'adressant à eux avec ma voix déguisée, dont une sorte de grasseillement formait un des caractères, « Dites-moi, je vous prie, messieurs, leur demandai-je, ce que vous désirez de moi ?»« Eh bien, dit Gaines, nous sommes ici pour chercher un certain Caleb Williams, et c'est, ma foi, un coquin qui en vaut bien la peine. » Je devrais le connaître assez, mais on dit que le drôle a autant de visages qu'il y a deux jours dans l'année. Ainsi, vous plairait-il d'ôter votre visage d'aujourd'hui? Ou, si vous ne le pouvez pas, au moins pouvez-vous bien ôter vos habits pour nous faire voir de quelle sorte est la bosse que vous portez? Je voulus faire quelques remontrances, mais il n'y eut pas moyen. Je voyais déjà mon déguisement en partie découvert, et Gaines, quoique toujours incertain, se confirmait néanmoins à chaque instant de plus en plus dans ses soupçons. Quant à M. Sperrel, sa figure s'était renfrognée et ses yeux inquiets regardaient avidement tout ce qui se passait. À mesure que mon imposture devenait plus palpable, il répétait son exclamation « Dieu soit béni, Dieu soit béni !» À la fin, excédé de cette odieuse farce et ne pouvant plus supporter le dégoût que me causait la figure basse et hypocrite qu'il me semblait que je faisais, « Eh bien oui !» m'écriai-je. « Je suis Caleb Williams. Conduisez-moi où vous voudrez. Et vous, Monsieur Sperrel ?» Il fit un saut terrible. Au moment où je me déclarais, sa joie avait été extrême, et il ne lui avait pas été possible de la contenir. Mais mon apostrophe inattendue, le ton dont je lui adressais, le foudroyait. « Est-il possible, continuai-je, que vous ayez été assez bas et assez pervers pour me trahir ? Que vous ai-je fait pour mériter un pareil traitement de vous? C'est donc là la tendresse que vous me témoignez. Cet amour de père que vous aviez sans cesse à la bouche, vous me livrez à la mort. » « Mon pauvre garçon, mon cher enfant, s'écria Sperrel du ton le plus dolent et le plus humble, en vérité, je n'ai pas pu faire autrement. Je l'aurais fait si j'avais pu. Allons. J'espère bien qu'on ne lui fera pas de mal à ce pauvre ami, si cela arrivait. Je suis sûr que j'en mourrai. » Infâme battleur, interrompis-je avec l'accent de l'indignation, vous me mettez dans les cruelles serres de la justice et vous espérez, dites-vous, qu'il ne me sera pas fait de mal? Allez, je sais d'avance mon arrêt et je suis prêt à le subir. Vous m'attachez de votre propre main la corde au cou et pour le même prix, vous en eussiez fait autant à votre fils unique. Allez compter vos maudites guinées. Ma vie eût été plus en sûreté entre les mains du premier venu que dans les vôtres, artificieux crocodile qui caressait pour dévorer.